cherche ta main la nuit. Mais il n'y a que le temps sur lequel mes doigts se plient comme sur un dessin coupant. Dans tes mains d'amoureuse, j'ai placé mon avenir comme une bouteille précieuse sur la coque d'un navire. Comme une bouteille précieuse sur la coque d'un navire. J'ai pensé que peut-être nous verrions l'Antarctique, que la vie soudainement nous semblerait logique. J'ai pensé que nos mains, liées comme des ficelles, garderaient nos vélos à jamais parallèles. J'ai rêvé aux enfants que tu tiendras dans tes bras, que les rides de tes yeux auraient pu être à moi. Je suis si petit, un pic dans une guitare. Je ne connais pas la vie en dehors de toi. Ton sourire sur cette plage de la mer du Japon, sur la photo que je viens juste d'enlever de mon mur. J'aimais quand tu choisissais un parole et légumes, et quand tu le prenais, tu étais tellement sûr. J'ai le plan de garder de l'air dans mes poumons, et puis quand je mourrai, je pourrai chuchoter ton nom. Puis quand je mourrai, je pourrai chuchoter ton nom. J'ai pensé que peut-être nous verrions l'Antarctique, que la vie soudainement nous semblerait logique. J'ai pensé que nos mains, liées comme des ficelles, garderaient nos vélos à jamais parallèles. J'ai rêvé aux enfants que tu tiendras dans tes bras, que les rides de tes yeux auraient pu être à moi. Et puis le temps d'oublier les accords de la chanson, le facteur vient de rapporter une lettre du Japon. Thank you.